pas la peine de prendre cet air triste en me quittant, puisque celle qui t'aime t'attend. Offre-lui de ma part ces lilas du jardin. Je ne lui en veux pas, je la plains. Bon voyage, bon voyage. Le soleil brillera bien sans toi. Tu peux faire une croix. J'ai fini de t'aimer. C'est bête, je te souhaite d'être heureux. On m'a dit qu'elle avait de beaux yeux. On m'a même ajouté, comme pour t'excuser, que tu l'aimes au point de l'épouser.